ce qu'il me reste, ce qu'il me reste du feu de ma jeunesse, tout ce qu'il me reste. Mélancolique et ailleurs, mélancolique et alors, joie alcoolique, joie des leurs, mais de vous à moi, je l'étais déjà autrefois. Non, je n'ai pas de batterie, je n'ai pas de batterie. Je n'ai pas de batterie. Mélancolique et ailleurs, mélancolique et alors, plus pudique que la pudeur, mais de vous à moi, je l'étais déjà autrefois. Apostolique, pâleur, joie de l'idylle par les fleurs, parfois je ris de bon cœur, mais de vous à moi, vous ne le verrez plus, vous ne le verrez pas. Ce qu'il me reste, ce qu'il me reste du feu de ma jeunesse, ce qu'il me reste. Mélancolique et ailleurs, mélancolique et alors, joie alcoolique, joie des leurs, mais de vous à moi,